toujours des promesses. T'en avais sans cesse. Le temps perdu te blesse. Oui, je n'ai pas voulu voir, mais tu es là dans le noir. Il est bon ton de croire que tout peut changer. Chemin qui te rapproche de lui dans un va-et-vient sans fin.